Ok, ok, one shot, one shot. Certifié authentique. Eh, écoute. Écoute. Dans ma tête, je comprends pas, j'ai perdu l'or plus d'une fois. La tête haute comme d'hab, je me relève, prends le dessus sur mes pas. Apeuré par mon nom, je réponds mon mal en patient. On me dit que je vais finir en zone comme chez le médecin, je patiente. J'attendrai pas la mort pour dire fuck, les corps. C'est fini, je déménage loin de cette planète Terre. Tout me saoule comme envie de claquer des têtes. La porte née du projet, comme envie qu'il se la prenne. Car la vie m'a trahi, cette pute m'a trompé. Je la baisse chaque nuit pendant que je me tue dans cette fumée. Ouais, celle du pilon, celle qui a fait de moi un bouffon qui m'a fait croire que j'étais un bon mec. En fait, je suis qu'un gros con. J'espérais revoir des gens, mais maintenant je batte plus. J'ai des couilles alléchantes, alors pourquoi tu me suces plus? C'est que c'est one, j'ai pas le flow d'Alpha One. Des projets et des rêves dans ma tête, ils partiront à où cet album, je l'ai bossé, je suis déter. Je veux sortir un projet, je m'accroche même avec le petit doigt. Et si t'écoutes et tu kiffes pas, bah va, si c'est ton papa. Je repars en scred, flow électrique comme une pile Duracell. Le juge le baise, propos trop vulgaire. J'ai pas besoin de menottes pour baiser la femme du commissaire. 15 ans et ça me suffit pour m'imposer. Dans le rap, je livre des punchs, j'ai pas besoin d'un postier. Comme beaucoup, j'ai pas les noms, mais je reste réal. Je fais des t-shirts, pas de contrat avec le réal. Corde vocale niquée, faut que je cesse de peur. Le matin, je bouffe des MC car je n'ai plus de céréales. Peur de quoi? De personne. Le rap, c'est du foot et moi dans le game, je suis chantant. Fantôme, mon album c'est Casper. Tu m'aimes pas, tu m'écoutes pas, puis tu retournes niquer ta mère. Sois mignonne, salope, plèche comme je débute tout juste. Je viens de tuer le game. C'est qu'on retient ma place dans 4 ans, tu le verras. Postiché en haut de la pierre, t'écouteras que moi dans ton auto. Pendant que ta go te sucera, ça sera moi dans le post radio. Le grand raid quand je débarque comme un bonhomme, je trace ma route, ma place, je la place en plein milieu de ta zone. Là j'ai l'un et puis mon stylo se force up. J'envisage de viser le midi avec mon flow cartouche line. Je tape la pose dans la deux bois quand ta meuf repart, c'est ta mère qui te boit. J'ai passé plusieurs journées à boire mes corps, regarde, souris. Changement de voix, tous ces M's me font de la paix. Rap commercial, j'ai pas besoin de vendre du rêve pour être le king de la Fnac. Le pilon c'est ma whip, je suis dead sans lui. Là j'ai pas fumé et pourtant j'ai un bal d'inspi. 85, deux chiffres et tu kiffes dans tes enceintes. C'est mon flow qui s'agite. 85, deux chiffres et tu kiffes dans tes enceintes. C'est mon flow qui s'agite. 85 le chiffre et tu kiffes dans tes enceintes. C'est mon flow qui s'agite.